Ça pue, c'est tassé, j'ai pas trop de culo. Faut tasser, tasser, on va faire un culo. Ça pue, c'est tassé, j'ai pas trop de culo. Faut danser, danser, on va faire un culo. Faut que vous arrêtez tout. Toujours les mêmes après tout. On fait quand que c'est les coups. T'aimes pas nous casser les couilles. J'tire des barres, j'oublie tout. Dans la musique, on fait tout. T'inquiète pas, on sait tout. T'es qu'un poteau, c'est tout. Je m'évade, j'parle trop vrai quand je suis pété. J'calcule pas le game, trop de problèmes de société. Ouais, la ganja elle est bonne, grindée dans l'OCP. J'sais pas comment j'ai fait pour vendre allez, autant de CD. On a grandi dans le zoo, gros manque de sous. Presque tout le temps sous. Ils m'ont trahi chez qui c'est. On va les faire glisser. Ouais, j'suis matrixé. Regarde derrière, j'vais pisser. Il me faut les voyous. Ils savent pas viser. À ce qu'ils sont jaloux. Tu le vois quand ils ont teasé. T'écoutes longtemps, tu fais une tête comme si tu sentais visé. Envie de niquer tout le monde quand tu peux rien maîtriser. Tu fais le gros ailleurs au check, tu t'es la risée. Ouais, nous depuis jeune, on est déscolarisés. À force de dormir tous les jours, la daronne a crisé. Crisé. Maison électrisée. On sait que t'es aimé, te fais gaffe à qui on s'entoure. On veut te parler, mais toi, tu fais tout le temps le sourd. Contre les jaloux, y'a pas de remède. Les jaloux, y'a pas de remède. Là, j'crois bien qu'il faut qu'on m'aide. J'crois bien qu'il faut qu'on m'aide. Prochaine fois, j'crie à l'aide. Prochaine fois, je crie à l'aide. Ça pue, c'est ainsi. J'ai pas trop de j'suis dans ma bulle. J'brûle le shit, tu fais des bulles. J'suis dans my world, j'suis dans l'espace. Vas-y, laisse place. Les flics qui tournent en scénique. J'évite le business et les tasses. N'abuse pas trop, tu vas voir la tasse. Faut charbonner pour avoir la classe. On était derrière au fond de la classe. Dis jamais qu'on est à la première place. Y'a les petits qui sortent le schloss. Les braqueurs cagoulés dans le sas. Que tu me calcules pas, tu traces. Avec le temps, notre amitié s'efface.